Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le dossier Pauline Dubuisson. Ravageuse, garce, orgueilleuse, perverse, manipulatrice, surenchère des adjectifs. Policier, juge, journaliste, opinion publique, rivaliste. En effet, pour dresser à charge toujours le portrait de cette jeune femme comme si leur intention ultime était d'exclure Pauline Dubuisson de la communauté des hommes, en faire un monstre pour sauver l'humanité. Mais qu'a-t-elle donc bien pu faire pour mériter cela ? Le 17 mars 1951, elle a 24 ans et elle tue son ancien amant, Félix Bailly, de 3 balles de revolver. Son procès cristallise une tension inédite, parce que derrière ce drame, la personnalité et le parcours de Pauline Dubuisson plongent les Français dans une histoire encore récente et douloureuse, la Seconde Guerre mondiale et les années d'occupation. Pendant près de 60 ans, ce fait divers aux multiples rebondissements a inspiré de nombreux livres, enquêtes, romans, un film et même une pièce de théâtre. Pendant près de 60 ans, des erreurs, des rumeurs, des contre-vérités ont été reprises, relayées, amplifiées. Il y a 2 ans, un écrivain, Philippe Janeda, s'est replongé dans cette affaire. Il a repris le dossier, enquêté, fouillé, recoupé toutes les archives et les témoignages, et il en a tiré un roman, La Petite Femelle, aux éditions Julliard, roman dans lequel il donne à lire une toute autre version que celle défendue jusque-là, et dont nous parlerons avec lui en seconde partie d'émission. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Valérie Priolizard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pirard et Hélène Bizio, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Stéphane Beaujean. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, samedi 17 mars 1951. Il est environ 9h30 ce matin-là au café La Maison Lothar, dans le 15e arrondissement. Là, attablée face à la vitre, une jeune femme de 24 ans regarde en direction du 25 rue de la Croix-Nivert. Apparemment, elle ne fait rien d'autre qu'attendre. Plutôt grande, les cheveux bruns tirant sur le cou, des yeux noirs profonds, le visage fin, elle porte une jupe rouge, un chemisier blanc et une petite veste. Ce matin, Pauline Dubuisson allait être tirée par une nuit d'insomnie. Mais surtout, à la fatigue, s'ajoute l'angoisse, la peur de savoir que dans quelques instants, c'est sa vie qui se joue. Oui, au propre, comme figuré, un vertige. Alors, Pauline se répète, comme pour se convaincre, la phrase décisive, à qui tout double, s'il maintient son attitude, je me suiciderai sans hésitation sous ses yeux. C'est Félix Bailly, le beau jeune homme au manteau gris, pipe à la bouche, là, dans la rue, qui entre dans l'immeuble du 25 de la rue Croix-Nivert, où il vit. Entre Félix et Pauline, c'est une histoire d'amour, vous l'aurez compris, avec ses joies et ses tourments. 3 ans plus tôt, à Lille, les deux étudiants en médecine sont sortis quelque temps ensemble. Félix est fou amoureux de Pauline, qui elle est plus distante. Oh, elle l'aime bien, oui, mais elle se joue de lui, voit d'autres hommes, se moque. Il la demande en mariage, elle décline. Une fois, deux fois, non merci, trop tôt, trop jeune. Disons, le manque d'amour, l'envie d'être libre. Bien sûr, Félix souffre, il finit par partir. Puis c'est Pauline qui regrette. Alors elle lui écrit, elle lui dit qu'elle l'aime. Mais le chagrin, comme souvent, s'efface avec le temps, et en l'occurrence pour Félix, dans les bras d'une autre. Il se trouve qu'à Paris, Félix rencontre Monique, sa fiancée, parvient à éloigner Pauline de ses pensées, qui un jour apprend par l'intermédiaire d'amis communs les fiançailles de son ancien amant. Et là, c'est le choc. Immédiatement, elle décide d'aller à Paris pour lui parler, les yeux dans les yeux, et, si possible, le convaincre. Ils se voient une première fois le 7 mars, mais là, Félix est clair, non, c'est fini. D'ailleurs, auprès de ses proches, il l'appelle ma ravageuse, c'est pas pour plonger. Qu'à cela ne tienne. Tout comme le facteur, Pauline va frapper 2 fois. Le 17 mars 1951 au matin, elle revient, ultime démarche, pour lui montrer qu'elle ne peut lui survivre. Rendez-vous est fixé à 10h. À 9h55, Pauline se lève de la table du café où elle était installée, traverse la rue, entre dans l'immeuble, grimpe les 7 étages à pied jusqu'à la porte du petit studio. Dans la poche droite de son manteau, elle a glissé un revolver. Elle sonne, Félix lui ouvre. La porte se referme. Quelques minutes plus tard, des voisins entendent 3 coups secs. aux alentours de 10h, ce samedi 17 mars 1951, dans l'appartement du 7e étage d'un immeuble parisien, une histoire d'amour, trop de drame. Le Parisien, le 19 mars 1951. La rupture de ses relations avec son amie, Pauline Dubuisson, aura été la cause de la mort d'un jeune étudiant en médecine, fils d'un médecin de Saint-Omer, Félix Bailly, âgé de 27 ans. Celle-ci décida d'avoir avec lui une dernière entrevue et l'informa de sa venue. Bailly avait reçu une lettre de la logeuse de la jeune femme qui le mettait en garde car elle savait que Pauline était armée. Samedi matin, il téléphona à un de ses camarades, le priant de venir plus tôt. Il ne tenait pas à se trouver seul avec la jeune femme. Quand il arrive à 10h45, l'ami de Félix Bailly monta directement jusqu'au studio. La porte n'était pas fermée et un tragique spectacle s'offrit à lui. Écroulé dans un fauteuil, la tête ensanglantée, son ami était mort. Un pistolet se trouvait sur le lit. Dans la pièce voisine, Pauline Dubuisson était étendue sur le sol, évanouie. À portée de sa main, le tuyau du réchaud à gaz était arraché. Que s'est-il réellement passé dans le studio du 25 rue de la Croix-Nivert en cette matinée tragique ? Dans la presse, une vérité s'impose. Pauline Dubuisson a tué son ancien amant Félix Bailly. Point. Pour les policiers également. Dès les premières constatations, la scène du drame laisse peu de place au doute. Et la seule qui sait ce qui s'est réellement passé, bien sûr, c'est Pauline, qui endosse ainsi le costume de suspecte. Pour le moment, inconsciente, elle est transportée à l'Hôtel-Dieu. Mais sa vie n'est pas en danger, elle a été secourue à temps. Les enquêteurs se mettent au travail, photographient des lieux, relevent des différents objets, les trois douilles, le revolver, les papiers, et surtout les questions aux témoins. D'abord, Bernard Mougeot, l'ami de la victime, qui découvre la scène et prévient les secours. C'est Félix lui-même qui lui a téléphoné dans la matinée. Il lui a demandé de passer chez lui vers 10h, lui expliquant juste qu'il a rendez-vous avec Pauline dans son studio et qu'il souhaite qu'il vienne. Voilà, c'est tout. Dans sa voix, ni affolement, ni peur. Aux alentours de 17h, les inspecteurs en charge du dossier apprennent que Pauline Dubuisson s'est réveillée et qu'elle peut maintenant répondre aux questions. Dans la chambre de l'hôpital, la jeune femme a l'air perdue, sous le choc. La scène de ce matin est floue, mais elle sait qu'elle a tiré sur Félix. Elle explique au policier qu'elle voulait le menacer de se tuer s'il n'acceptait pas qu'elle revienne. Puis, elle raconte. J'ai sorti rapidement l'arme de ma poche et j'ai tourné le canon vers ma poitrine, à hauteur du cœur. Je me souviens que devant mon geste, il s'est précipité vers moi sans rien dire. J'ai tiré, mais je ne me souviens pas exactement comment. Je n'ai certainement pas eu le temps d'appliquer vraiment l'arme contre moi, sans quoi j'aurais été atteinte. Je crois que Félix devait être près de moi. Il me faisait face quand j'ai tiré. L'arme n'a pas fonctionné. J'ai manœuvré la culasse à plusieurs reprises, mais sans succès. Comme je savais que le monoxyde de carbone procure une mort rapide et sans souffrance, j'ai eu l'idée de m'asphyxier au gaz. Pauline Dubuisson poursuit son histoire d'amour avec Félix les jours qui précèdent le drame. Effectivement, ils se sont vus une première fois le mercredi 7 mars. Ce soir-là, ils ont dîné ensemble chez Félix. Ils ont discuté. Bon, calmement, pas eu de dispute. Pauline a pu lui dire qu'elle l'aimait. Voilà. Et, selon ses mots, ils se sont embrassés, comme dans le temps. Dans un déni de réalité fatale. Et malgré la volonté de rupture, apparemment sans faille de Félix, Pauline n'accepte pas le verdict. D'ailleurs, cette soirée, c'est peut-être le signe qu'il reste encore une chance. Et c'est pour ça qu'elle est revenue ce matin. Devant les policiers, quelques heures après le drame, Pauline ne sait pas que Félix est mort. On ne lui dit pas. Elle l'apprendra plus tard, en même temps qu'une autre nouvelle, terrible elle aussi, et conséquence de son acte. Le Parisien, le 20 mars 1951. Le rapide drame de la rupture et de la jalousie qui s'est déroulée samedi, rue de la Croix-Nivert à Paris, vient de connaître, à Malo-les-Bains, un tragique rebondissement. Monsieur André Dubuisson, le père de la jeune meurtrière, s'est suicidé au gaz. Déjà, l'annonce du drame avait soulevé dans la ville une émotion considérable. Pauline est en effet la descendante d'une famille dont le nom fut jadis symbole d'honneur et de tradition respectable. Pendant ce temps à Paris, la mécanique judiciaire se met en place. Pauline Dubuisson est transférée à la prison de la Petite Roquette, dans le 11e arrondissement. Une porte se ferme sur sa vie. Et c'est sans elle, d'ailleurs, de l'extérieur, que s'écrit la suite. Car la presse s'intéresse de près à ce drame de l'amour. Le beau, fragile Félix Bailly, garçon de bonne famille, victime de sa ravageuse, la belle tueuse, pensez-vous, ses vendeurs. Les policiers, eux, remontent dans le passé de Pauline, interrogent les proches, et ils se font rapidement leur idée. Ils ne croient pas à la thèse de l'accident défendu par la jeune femme. Non, ils sont persuadés, au contraire, qu'elle était déterminée ce matin-là. Oui, elle avait bien l'intention de tuer Félix Bailly, qui depuis plusieurs jours confiait ses craintes à ses amis, leur demandant de rester avec lui plusieurs nuits de suite. Après un an de procédure, les enquêteurs requalifient le meurtre en assassinat. Pauline Dubuisson risque la peine de mort. Paul Baudet, son avocat, la convainc de reconnaître le meurtre pour défendre au mieux la thèse du crime passionnel. Alors, va pour le crime passionnel. La date du procès est fixée un an plus tard, le 27 octobre 1953. Pour Pauline, la détention commence. Les jours, les mois, si durs, le suicide de son père, le chagrin de sa mère, la culpabilité, sa vie, ses espoirs, ses rêves enterrés, l'attente de son jugement. À la veille de son procès, le 26 octobre, dans sa cellule, elle écrit un mot à l'adresse du président de la cour, avant de se taillader le poignet gauche avec un morceau de verre. Monsieur le Président, je suis obligée de vous écrire dans le noir, car je ne veux pas allumer ma veilleuse. Je ne sais pas si vous pourrez me lire. Peut-être ne le voudrez-vous même pas. Il n'y avait rien à faire pour éviter cela, et tout ce qui est possible a été tenté. Je ne veux pas mourir sans remercier tous ceux qui ont été bons pour moi, malgré mes défauts. Je ne fais que du mal à ceux-là même que j'aime le plus au monde. J'ai perdu plus d'un litre de sang, mais je suis encore bien. Que monsieur et madame Bailly me pardonnent s'ils le peuvent. Qu'ils aient pitié de maman, pour tout le mal que j'ai fait. Vous pouvez dire aussi que je regrette infiniment d'avoir tué Félix, et aussi que je ne veux pas me soumettre à une justice manquant à ce point de dignité. Je ne refuse pas d'être jugée. Mais je refuse de me donner en spectacle à cette foule qui me rappelle très exactement les foules de la Révolution. Il m'aurait fallu le huis clos. Je suis ravie de jouer ce tour à ceux qui s'occupent de mettre le décor en place. « 18 novembre 1953, Paris, cour d'assises. Elle est bien là, Pauline Dubuisson. » Trois semaines plus tôt, la gardienne de prison l'a retrouvée au petit jour, le corps dans une mare de sang. Sauvée de justesse, mais pas de justice. Face à elle, les appareils photo qui crépitent, les murmures du public, les six hommes et la femme qui composent le jury, elle est où? Au tribunal, et c'est elle qu'on juge. Alors, elle voit la famille de Félix, leur célèbre avocat, cador du prétoire, René Floriot, l'avocat général, Raymond Landon. Elle est bien là, oui, face à ce qu'elle voulait éviter, justement, qu'elle voulait fuir, disent les journalistes, la famille de la victime et l'opinion publique. Elle voit face à elle cette colère sur le visage de ceux qui ont en tête ces mots écrits et lus trois semaines plus tôt. Ces mots qui ont renforcé l'image d'une femme sûre d'elle-même, qui insulte la justice, simulatrice de ses tentatives de suicide. Cette fille superbe et vénéneuse qui mène les hommes à leur perte. C'est pourtant une jeune femme frêle de 26 ans qui se lève pour se présenter ce 18 novembre 1953. Sur son visage, marqué son corps, frêle, on peut lire les 2 années de détention. Autour d'elle, la pièce judiciaire impose son rituel. D'un côté, le ministère public et les avocats de la partie civile, ils démontreront la préméditation du geste de la jeune femme et donc l'assassinat. En face, la défense. Elle tâchera de prouver, elle, qu'il s'agit d'un drame passionnel. La première journée, les débats sont consacrés au passé de Pauline Dubuisson. Un passé qui renvoie l'ensemble des protagonistes quelques années en arrière à une période noire, douloureuse, où l'on découvre que la jeune femme a déjà plusieurs vies derrière elle. Française, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dur au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. On rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Tout commence en 1940. Trois semaines après le discours du maréchal Pétain, le 16 juin 1941, qui annonce la signature de l'armistice avec l'Allemagne nazie, les soldats du Troisième Reich entrent dans Dunkerque. C'est à Malo-les-Bains, à quelques encablures de la ville, qu'est née et que vit Pauline Dubuisson, 13 ans. Plutôt douée à l'école et mature pour son âge, très mature même, c'est son père surtout qui s'occupe de son éducation. À la tête d'une entreprise de travaux publics, André Dubuisson propose rapidement ses services à l'occupant, qui doit reconstruire une grande partie de la ville détruite par les bombardements. C'est ainsi que le père de Pauline débute sa collaboration avec l'ennemi dans laquelle il embarque sa fille, qui parle allemand. Pauline Dubuisson vit ses années adolescentes dans ce contexte trouble. En plus de parler allemand, elle est jolie, et sous le regard des soldats, elle ne passe pas inaperçue. Son père en a tant conscience qu'il décide d'en profiter. Pauline découvre le charme, le flirt. Dans la petite ville de Malo-les-Bains, l'attitude de la jeune fille et de son père ne laisse pas les habitants insensibles, forcément. Alors on parle, on bruit, ils bruissent, on murmure. Il paraît qu'elle a eu une relation à l'été 41 avec un jeune marin de la Rique Marine aperçu dans un parc par un inspecteur. Un épisode qui a provoqué son renvoi du lycée. Les années passent. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Dunkerque se retrouve encerclé. Pauline, son père et son frère restent dans l'enceinte de la ville. Ils se réfugient à l'hôtel Rosendell, où Pauline, qui veut faire des études de médecine, propose ses services pour aider les blessés. Surtout, elle devient la maîtresse d'un homme de 38 ans, son aîné, un colonel de la Wehrmacht, médecin-chef de l'établissement Werner Domnick. Environ 10 ans après, dans la salle de la cour d'assises de Paris, ce passé sombre ressurgit et Pauline Dubuisson est bien seule quand il s'agit de répondre aux questions du président, Raymond Jadin. Pendant toute la guerre, vous avez fréquenté des Allemands. Oui, je traduisais tous les papiers pour mon père. Je lui servais d'interprète. On vous a vu faire de l'équitation avec des officiers ennemis. J'en avais toujours très envie. Vous montiez des chevaux en Amazone. Cette photographie en témoigne. En Amazone, moi ? C'est une photo de ma mère qui date d'avant 1914. Bref, admettez tout de même que votre conduite était pour le moins choquante. Peut-être. J'aurais aimé trouver des conseils auprès de mes parents, mais mon père était glacial et ma mère très réservée. Je pensais qu'il ne m'aiderait pas, donc je gardais tout pour moi. J'ai peut-être fait des erreurs. Et les mois passés à l'hôpital Rosendahl. Je précise qu'il s'agissait d'un hôpital allemand, bien entendu. Allemand ou pas, je pensais que je pouvais y faire du bien. Cette relation avec le colonel Domnick, avouez qu'il y a dans cette disproportion quelque chose de choquant. Vous a-t-il prise de force ? Vous a-t-il séduite ? Non. Alors ? C'est venu petit à petit. Il me plaisait. Dès les premières heures du procès, chaque camp joue sa partition. Du côté de l'avocat général, on attaque collaboratrice, filégère, menteuse. On exploite toutes les failles, on grossit les faits pour prouver qu'elle est capable de tuer avec préméditation. Pauline fait face, elle n'esquive pas, répond franchement, assume, comme pour retourner ce miroir qu'on veut lui tendre. En revanche, elle n'évoque pas la libération et ses hommes qui l'ont tondue. Bon, personne ne sait, elle le garde pour elle. Comme sa première tentative de suicide quelques semaines après cette terrible épreuve. Comme cette année à Lyon où elle est partie pour se reconstruire. Alors, on en arrive à Lille en 1947 et la rencontre avec Félix Bailly. On rappelle la manière dont elle se moquait de lui, l'humiliation subie un soir de bal où elle dansa devant ses yeux avec d'autres hommes pour finir dans le lit de l'un de ses professeurs. On remet en cause la sincérité de ses sentiments au moment où elle a voulu revenir vers lui. On conteste certaines de ses déclarations, comme lorsqu'elle affirme qu'ils ont passé la nuit ensemble le 7 mars 1951, 10 jours seulement avant le drame. Or, cette nuit est cruciale, car elle écorne l'image de droiture du jeune Félix Bailly, qui est fiancé avec Monique à ce moment-là. C'est là que l'avocat de la famille, René Floriot, entre en scène. Personne ici ne peut vous croire. Allez, la vérité, vous l'avez dite, c'est les premiers jours. Vous prétendez avoir menti pour ne pas le compromettre. Quelle délicatesse de votre part. Non, vous n'avez pas menti cette fois car vous ne saviez pas que Bailly était mort et vous croyiez qu'il pourrait vous contredire. Ce n'est que plus tard, quand vous avez appris que vous l'aviez bien tué, que vous avez voulu fabriquer quelque chose qui ressemble vaguement à un crime passionnel. Mais je suis persuadé qu'il vous a renvoyé le soir même. On ne juge pas les autres selon soi-même, mademoiselle. Félix Bailly était incapable de la vilenie que vous lui prêtez. Nous ne nous sommes quittés que le matin. J'ai dit la vérité. J'étais anéanti sur le quai de métro. La vie n'avait plus de sens pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de nous entraîner tous les deux dans la mort. Pauline avoue, pour la première fois depuis le début de l'audience, des larmes coulent sur son visage. La séance est interrompue. Après un quart d'heure de pause, René Florio reprend et il aborde le moment du drame. Leur échange, ce que Pauline a dit à Félix et puis les circonstances dans lesquelles les trois coups ont été tirés. Vient, enfin, la tentative de suicide. Votre suicide ? Parlons-en. Vous êtes certaine de n'avoir pas attendu un petit peu avant de vous suicider ? Oui. Non, je n'ai pas attendu. C'est sûr ? On y reviendra. Et donc, vous êtes allée dans la cuisine pour ouvrir le gaz ? Eh oui, le gaz. Le revolver, c'est trop brutal. Vous préférez le gaz. Et puis ça vous connaît, non ? Il paraît que vous aviez déjà essayé, sans succès. D'ailleurs, vous avez appris en médecine qu'il y a moins de risques en s'étendant par terre et vous ne l'avez pas oublié. Vous n'avez pas attendu le bruit fait par les pompiers pour vous étendre ou par Monsieur Mougeot ? Vous saviez qu'il devait venir. Non. Alors vous n'avez vraiment pas de chance. C'est tout de même la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. Il est fabriqué, votre drame passionnel, Pauline Dubuisson. Il est raté, raté, comme sont ratés vos suicides. Vous ne réussissez que vos assassinats. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Novembre 1953, troisième et dernier jour du procès de Pauline Dubuisson au palais de justice de Paris. jour des plaidoiries. La veille fut consacrée aux témoins, amis, proches, experts, psychiatres. Des témoignages qui ont quelque peu atténué le portrait dressé par le ministère public et la partie civile contre Pauline Dubuisson. Les pompiers, par exemple, ceux qui l'ont secouru le jour du drame, expliquent que sa tentative n'était pas feinte. Les experts psychiatres atténuent l'image de la perverse calculatrice. On insiste sur sa fragilité, ses dépressions, son passé douloureux. Dans la presse, on dénonce la violence de certaines attaques des magistrats. D'ailleurs, c'est le chemin qu'emprunte René Florio, l'avocat de la famille Bailly. Je commencerai par solliciter un pardon. Je ne suis pas certain de plaider sans passion. Plusieurs fois au cours des débats, j'ai été amené à me montrer cruel. On me l'a reproché. C'est parce que j'avais auprès de moi une maman qui pleurait. Je vais tout de même vous montrer qu'elle a tué ce garçon formidable pour tous les motifs qu'on voudra, mais en tout cas pas par passion. Il a été son pantin, il a souffert le martyr. Il a fini par trouver le courage nécessaire pour la quitter. Pauline Dubuisson est vexée, et le mot est trop faible. Elle souffre cruellement dans son amour-propre. Elle rentre calmement à Lille, achète calmement un pistolet, revient calmement à Paris et guette désormais sa victime. Elle la guette comme un tueur froid, caché dans un couloir. Puis, dans le café situé devant chez lui. Elle sait que, tôt ou tard, il viendra s'offrir à ses coups. C'est ça, votre drame passionnel. Un tueur n'agit pas autrement. Rendez votre verdict en conscience, mais n'oubliez pas ce garçon massacré. N'oubliez pas ces pauvres gens qui n'attendent que la justice. Puis, c'est au tour de Paul Baudet, l'avocat de Pauline Dubuisson, d'entamer sa plaidoirie. Je me lève au milieu de l'excès. On lui a appris que sur son visage, rien ne doit trahir ses sentiments. On lui a enseigné à se méfier de tous, à triompher d'abord, à juguler puis à savourer son triomphe. Oui, voilà l'éducation infernale, monstrueuse, vous avez dit le mot, de cette fille que l'on a poussée à l'orgueil et à la domination. Alors pour elle, par elle, je demande pardon, au nom de celle qui fut orgueilleuse, qui naguère désespérée, dans la nuit froide de sa cellule, n'a pas voulu de votre justice et a cru qu'elle devait plutôt choisir la mort. Je demande pardon pour tous ces parents qui croient éduquer et qui font de leurs enfants des êtres à leur mesure, passant à leur côté sans les voir. Je demande pardon pour la manière dont elle fit ses aveux, leur maladresse. Je demande pardon aussi pour ce qu'elle a cru choisir pour défenseur un avocat inutile auxiliaire de la justice qui, s'il refuse l'émotion de ses larmes, vous donne le spectacle au moment où il mendie de la dignité. Une demi-heure, c'est le temps qu'il faut aux sept personnes qui composent le jury ce 20 novembre 1953 pour délibérer. Trois questions leur sont posées. Pauline Dubuisson est-elle coupable de meurtre? Y avait-il préméditation? A-t-elle des circonstances atténuantes? Pour les six hommes du jury, les trois réponses sont claires. Oui, elle est coupable. Oui, il y avait préméditation. Non, elle n'a aucune circonstance atténuante. Autrement dit, la peine de mort. C'est finalement la septième personne, la seule femme du jury, qui s'opposera. Pour elle, la jeune femme a bien des circonstances atténuantes. Pauline Dubuisson est finalement condamnée à la prison à perpétuité. Comme quoi, la thèse du crime passionnel, de l'accident, n'a pas été retenue. Ces crimes-là, malheureusement trop nombreux, font souvent l'objet de clémence. Là, alors même que certains éléments laissent encore un doute sur le déroulé exact des faits dans la matinée, Pauline semble payer en vérité son attitude et surtout son passé. Quoi qu'il en soit, la porte se referme définitivement sur la vie de cette jeune femme de 26 ans qui aura le temps d'un procès passionné les Français et marqué les esprits. Malgré tout, Pauline Dubuisson s'accroche au centre pénitentiaire d'Aguenau, elle est incarcérée. Petit à petit, entre les murs, elle avance. Elle reprend des études, travaille, s'occupe. Les années passent et sa bonne conduite au bout de 9 ans lui permet une libération anticipée. Elle est donc libérée en 1959. Mais elle le sait, pour la retrouver pleinement, cette liberté, il faut qu'elle disparaisse. Alors, elle commence par changer de prénom, elle choisit André, puis retrouve un travail sans abandonner ses rêves de médecine. Ses premiers mois d'ailleurs se passent bien, on ne la reconnaît pas dans la rue, elle parvient à se faire discrète, presque oubliée. Oui, mais c'était sans compter sur ce coup du sort. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimée quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts, morts. Le 2 novembre 1960, un an à peine après la libération de Pauline Dubuisson, sort sur les écrans français le nouveau film d'Henri-Georges Clouzot, La Vérité, avec Brigitte Bardot, qui s'inspire du drame de Pauline, précisément. Le réalisateur prend de nombreuses libertés avec la réalité, mais tous les Français se souviennent, c'est il y a à peine 7 ans, ils se souviennent du procès de la ténébreuse Pauline Dubuisson, d'autant qu'Henri-Georges Clouzot accable son héroïne. Et Pauline voit le film. Elle se voit assassiner Félix, revivre son procès et assister à la fin à sa mise à mort. Les journalistes se saisissent de nouveau de cette affaire. Ils apprennent que Pauline a été libérée et partent à sa recherche. L'un d'entre eux, Pierre Geoffroy, pour Paris Match, raconte. Pauline Dubuisson accepta de me recevoir. Je me rendis dans une rue obscure du 5e arrondissement, au siège d'une association protestante. Une femme m'ouvrit. Je suis Mademoiselle Dubuisson. Je la sentis, si nerveuse que je regardais machinalement ses mains pour voir ce qu'elle en faisait, si elle ne les tordait pas. Mais non, elle se dominait. La voix restait calme, claire. Je suis secrétaire de l'association. Je travaille, j'apprends. J'ai repris mes études. Dans 4 ou 5 ans, je serai médecin, si on me le permet. J'obtiendrai ma réhabilitation. Mais elle n'hésita pas longtemps. Elle me lança « Le danger, c'est vous, les journalistes. Il a suffi de ce film pour qu'on me retrouve. Comprenez-moi, je n'ai pas peur que l'on sache qui je suis sur le plan personnel. Mais la foule, l'opinion, mes camarades, l'un ou l'autre, si vous parlez de moi, finirez par faire le rapprochement. » Elle ne suppliait pas, elle n'invoquait pas, elle exposait le problème, dédaigneuse de tout effet. C'était la même pudeur, la même retenue qu'autrefois, qu'on pouvait prendre pour de la sécheresse ou du cynisme. Ce n'est pas ainsi que je le pris. Je n'écrivis pas une ligne sur elle. Pierre Geoffroy est le seul journaliste qui retrouve la jeune femme. Pauline Dubuisson, elle, a compris qu'elle ne pouvait pas rester en France, qu'elle n'y serait jamais tranquille. Alors, elle profite d'une annonce de poste comme médecin auxiliaire à Essaouira au Maroc pour partir, définitivement. Là-bas, personne ne sait, personne ne connaît son histoire. Elle peut donc tout recommencer. Elle rencontre de nouvelles personnes, se dévoue dans son travail. Et puis un jour, la vie se présente, de nouveau. Il s'appelle Jean. Il est ingénieur pétrolier, il a 10 ans de plus qu'elle. Pauline en tombe amoureuse. Cette fois, elle se veut sincère. Elle ne veut pas prendre le risque de tout perdre, encore. Alors, elle lui dit tout. Elle lui raconte, dans les détails, son passé, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. Mais Jean prend peur et décide de la quitter. Pour Pauline Dubuisson, c'est la douleur de trop. Le 22 septembre 1963, à 36 ans, elle avale des barbituriques et met fin à ses jours. Elle emporte avec elle sa vérité, pas forcément celle de Clouzot. Celle d'une femme coupable d'avoir tué un homme, libre aussi d'avoir vécu comme elle l'entendait, dans une époque heurtée, bouleversée, tragique. Quelques jours plus tard, dans Essaouira, personne ne parlait plus d'André Dubuisson. Au cimetière, le gardien ne savait déjà plus où se trouvait sa tombe. Le vertige avait eu raison de Pauline. Il n'y a pas de morale à tirer de cette histoire-là. Sinon que le pardon sur cette planète si difficile à habiter n'est jamais assez généreux. Chez moi, dit le poète islamique, le secret est enfermé dans une maison au solide cadenas, dont la clé est perdue et la porte scellée. Thank you. there is not their reflection, becoming a beautiful little Hollywood perception. Beautiful little fools, that's what us girls are destined for. Beautiful little fools, that's what us girls are destined for. Beautiful little fools, born to be a thug. Didn't your mother ever tell you? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Pauline Dubuisson. Notre invité, Philippe Janeda, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur d'un livre intitulé La Petite Femelle, chez Julliard. C'est un roman qui reprend cette histoire que nous venons de raconter et qui remonte l'enquête. D'abord, qu'est-ce qui vous a autant intéressé dans ce qu'on peut appeler un fait divers, qui n'est jamais autre qu'une histoire, hein, une histoire humaine, un fait divers, parce qu'il y en a d'autres, des crimes passionnels, où on n'a pas tout à fait les preuves, que ce soit bien elle qui a tué. Il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, celui-là, qui vous a autant attiré? Alors, ce qui m'a attiré avant tout, c'est que je me suis fait avoir, moi. C'est-à-dire, je me suis fait avoir, comme les gens à l'époque, hein, l'opinion publique à l'époque, naturellement. Je cherchais, en fait, un personnage noir, un personnage sombre. J'avais envie d'écrire quelque chose sur quelqu'un d'un peu démoniaque. Et puis, dans un livre sur les femmes criminelles, j'entends parler, enfin, je lis quelques pages sur Pauline Dubuisson, je me dis, parfait, parce qu'elle était présentée, mais vraiment, tout ce qu'on vient d'entendre, là, c'est-à-dire la ravageuse, l'ange noir, la Messaline du Nord. La bonne cliente, quoi. Ah, parfait. Son seul but dans la vie, c'est de faire souffrir les hommes, enfin, de coucher avec le plus d'hommes possible, et puis ensuite, de les faire souffrir, de leur briser le cœur, et le seul qui lui résiste un peu, elle le tue, elle l'achève d'une balle dans la nuque, enfin, je me disais, c'est parfait. Et puis je commence mes recherches, donc j'acquiers une certaine documentation qui vient surtout des journaux de l'époque ou même de choses qui ont été écrites plus récemment. Il y a eu des livres dans les années 90, il y a eu des articles de journaux, il y a un truc dans Paris Match en 92, c'est-à-dire 40 ans après les faits, hein, qu'il a dépeint toujours comme l'incarnation du vice, une femme sans scrupules, sans âme. Et puis, donc ça m'intéresse, je continue à creuser et je vais dans les archives, les vraies archives de l'époque, c'est-à-dire dossier d'instruction, le dossier d'enquête, les témoignages. Je vais vraiment à la source des témoignages tels qu'ils ont été recueillis par la police et le juge d'instruction en 1951. Et je me rends compte petit à petit, stupéfait, les yeux écarquillés, que à peu près tout ce qu'on a écrit sur elle est faux. Alors parfois un peu faux, un peu modifié, adapté, parfois carrément mensonger. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes sérieux, des grands journalistes judiciaires, comme Madeleine Jacob, par exemple, qui ont vraiment, en toute connaissance de cause, menti pour faire d'elle un personnage, un bouc émissaire, sur lequel toute la France s'est jetée, parce que son procès, à l'époque, a été vraiment, je pense pas qu'on disait médiatisé en ce temps-là, mais enfin, passionné l'opinion publique. Alors, puisque vous me parlez de Madeleine Jacob, hein, chronicieuse judiciaire à Libération, qui est l'une des journalistes qui se déchaîne le plus sur Pauline Dubuisson, nous allons l'entendre, c'est en 1962. Son crime qui joue le crime passionnel n'était pas un crime passionnel. Rappelez-le. Son crime n'est pas un crime passionnel, c'est un crime de la vexation. Elle a été vexée le jour où elle a vu que ce garçon lui échappait. Et ça n'a pas pu le supporter. Pour elle, c'était un échec. Oh, pas un échec sentimental, un échec d'amour propre. Ce que vous lui reprochez, c'est son manque de passion, finalement. Ah oui, il n'y avait aucune tendresse, aucun sentiment, absolument rien. C'est une fille très froide, une coquette. Voilà, Philippe Janeda, vous voulez lire un extrait de votre propre livre. Ça vous ennuie pas? Ça m'ennuie pas, bien que à propos, autour de Madeleine Jacob. Ouais, mais peut-être le deuxième qu'on a prévu, je crois. Je suis dans un état de nerf. Allez, bah, répondez-lui, ça tombe bien. Je viens de l'entendre. Bon, je réponds comme j'ai écrit ça il y a 3 ans. Exactement. Ceux qui ont écrit que Pauline était en train de se faire sauvagement besogner, pardon, dans un lieu public en plein après-midi, qu'elle avait envoyé paître le fonctionnaire français, ça se rapporte, je suis obligé d'expliquer un peu, à quelque chose qui s'est passé à Malo-les-Bains quand elle avait 14 ans. Les journalistes ont ressorti cette vieille affaire comme quoi on disait à l'époque qu'elle avait été surprise en scabreuse posture derrière un buisson avec un matelot allemand, ou parfois certains journalistes, 2 ou 3 matelots allemands. Enfin bon, bref. Donc ceux qui ont écrit qu'elle était en train de se faire sauvagement besogner dans un lieu public en plein après-midi, qu'elle avait envoyé paître le fonctionnaire français, sûr de n'avoir rien à craindre puisqu'elle était une puissante du buisson, et lui avait quasiment craché au visage que c'était son quatrième soldat de l'après-midi, n'ont pas tous lu ce rapport. D'accord, cela dit, quand on ne sait pas. Mais Madeleine Jacob, cette femme dont Wikipédia indique qu'elle était une figure du palais de justice de Paris, tout en rappelant l'esprit particulièrement vindicatif de ses articles, cette infatigable batailleuse que Céline lui-même a honorée d'un surnom, la muse des charniers, elle l'a lu, ce rapport de police. C'est une certitude. Elle est la seule à mentionner le bouquet de fleurs dans lequel Pauline enfouit son petit museau. Elle introduit la notion devenue très populaire de quatrième rendez-vous de la journée. Elle n'a pas inventé ces détails. Elle a eu le rapport d'Homer Wilst sous les yeux, d'une manière ou d'une autre. Elle a noté ce qu'il contenait. Et tout en sachant l'effet que produirait son article sur l'opinion publique, ayant conscience qu'elle ciblait une jeune femme de 25 ans bien vivante, dont il fallait décider de la suite de l'existence, cette prêcheuse de la psychiatrie pour les filles frivoles a choisi de déformer la réalité. Et pas au petit burin d'artiste. Elle a choisi de mettre Pauline en situation un peu trop intime avec le marin et de transformer les quatre après-midi de rendez-vous avec le même homme en quatrième rendez-vous de la journée avec des hommes différents. C'est bien plus intéressant. Tout en expliquant que la petite arrogante se vante par simple goût du scandale. Alors, fumier Madeleine. Oh, je voulais terminer là-dessus. Ouais, vous avez raison. Alors, résumons. Vous vous êtes intéressé à cette histoire parce que vous vous êtes aperçu que tout ce qu'on a dit sur Pauline Dubuisson était globalement faux. Oui. Bien, on en était là. Alors, c'est un complot. Ça s'appelle un complot. Et si c'est un complot, pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, c'est pas un complot, évidemment. Bah, ça ressemble à un complot. Oui, comme souvent, c'est-à-dire que Pauline Dubuisson a servi non pas de bouc émissaire, mais de double bouc émissaire. En fait, Pauline Dubuisson symbolisait, la malheureuse, à elle seule, la déroute française, la collaboration, puisque à 14 ans, elle avait couché avec, alors on a dit, avec une ribambelle de soldats allemands, en fait, c'est deux ou trois. On a l'impression, quand on lit les articles de journaux de l'époque, que c'est à cause de Pauline Dubuisson qu'on a perdu la guerre, c'est à cause de Pauline Dubuisson qu'on a été humilié par les Allemands, etc. Donc il y a d'une part ça, c'est une femme, donc elle est facile à, comme toutes ces malheureuses qui ont été tondues, elle est facile à montrer du doigt et on peut lui taper dessus pour se soulager et ne pas penser à soi-même. Et d'autre part, et peut-être surtout, Pauline Dubuisson symboliser quelque chose qui est qu'après la guerre, les femmes, timidement d'abord, ont commencé à se dire qu'elles n'étaient peut-être pas uniquement les animaux de compagnie dociles des hommes. Et Pauline Dubuisson n'a jamais rien revendiqué. Hein. C'était pas une porte-parole, elle a jamais dit « nous les femmes, nous voulons ». Simplement, Pauline Dubuisson, elle voulait être médecin, elle voulait être pédiatre. Le Félix Bailly, le brave jeune homme qui voulait l'épouser, lui aussi faisait des études de médecine. Elle savait que si elle acceptait en deuxième année de médecine de se marier avec lui, elle pouvait ranger sa blouse d'interne, prendre un tablier, un fer à repasser, une casserole. On ne comprenait pas qu'elle préfère être pédiatre elle-même que femme de médecin, qui est pour une femme un grand privilège. Elle voulait se marier quand elle le décidait, elle, et pas quand son soupirant le décidait. Pour les vieux messieurs d'avant-guerre, et pour toute la société d'entre-deux-guerres, d'avant-guerre, c'était une menace, un danger. Pour la société. Pour la société, des vieux messieurs qui dirigeaient tout ça. On l'a écrasée comme une punaise. C'est-à-dire que vraiment, cette femme qui commençait à déranger en voulant, sans rien revendiquer, mais en voulant être à peu près, pas encore l'égal des hommes, mais disons pas loin, on s'en est débarrassé très facilement. C'est-à-dire, tout le monde lui est tombé dessus. Donc, c'est un complot inconscient, évidemment. Les gens ne se sont pas dit, ni les journalistes, ni l'opinion publique, s'est pas dit, on va essayer de l'éliminer. Mais ça se met en place comme ça. Ça se met en place, progressivement. Bon, cette femme, elle a tué quelqu'un, quand même. Oui. Et puis, un brave garçon, je pense. Et un brave garçon. Un peu, pardon pour sa mémoire, mais un peu nouille, je pense, un peu neuneux, mais quand même un gentil garçon qui a rien fait de mal dans la vie. Elle l'a tué, moi, je pense, très sincèrement. Quand on lit les choses, ou quand on voit surtout la vérité de Clouseau, de ce monstre de Clouseau, elle va vraiment pour le tuer. Dans le film, carrément, il lui tourne le dos, elle en profite pour lui tirer dans le dos, et une fois qu'il tombe à genoux, elle lui tire une balle dans la nuque. Vraiment comme la mafia, quoi. Ouais. Moi, je suis persuadé, après avoir étudié tous les rapports d'autopsie, les rapports de balistique, etc., qu'elle voulait effectivement, comme elle l'a dit, se suicider devant lui, qu'elle a dirigé le canon vers elle, il a sauté sur elle pour essayer d'en empêcher, et comme par réflexe ou je ne sais quoi, pour, ou en tout cas pour pour le repousser, ça s'est joué en une fraction de seconde. Elle lui a tiré dessus, elle est rentrée dans une sorte de crise de nerfs, elle lui a tiré dessus, et elle a, le pistolet s'est enrayé, et elle a essayé de se suicider au gaz ensuite. Parce que pour vous, il n'y a pas préméditation. Elle s'est pas dit, je vais monter et le tuer, donc pour vous, croyez-vous à la thèse, fermement, selon laquelle elle monte dans l'appartement pour lui dire, si tu reviens pas, je me suicide. C'est ça son intention, ou sa intention, c'est de lui régler son compte? Alors évidemment, j'étais pas dans sa tête. Vous n'y étiez pas, je sais bien, mais votre conviction. Moi j'ai une conviction, j'ai une certitude, mais qui est uniquement personnelle, mais pour moi en tout cas, je suis absolument certain qu'elle a dit la vérité, puisqu'elle a rien cherché à nier, elle a jamais cherché à diminuer sa responsabilité, je pense vraiment, et puis encore une fois, si son avocat avait seulement passer plus de 5 minutes sur le rapport d'autopsie, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que un enfant de 15 ans qui s'intéresse à ça, moi je suis pas un spécialiste ni un génie de l'analyse médico-légale, ça saute aux yeux qu'il a couru vers elle, que la dernière balle qu'elle lui a tirée, c'était pas la balle dans la nuque comme tout le monde, ou dans la tête comme tout le monde l'a affirmé. Enfin, c'est vraiment enfantin. Et René Fleuriot, qui était son adversaire, qui était l'avocat de la partie civile, René Fleuriot a dit, si j'avais été son défenseur, elle s'en tirait avec 5 ans maximum, alors qu'elle a pris perpétuité, parce que son avocat était un monsieur formidable, je crois, d'une grande gentillesse. On disait de lui, Paul Baudet, on disait ce qui est terrible avec lui, c'est que le client est presque sûr d'aller à la guillotine. Ce qui est formidable, c'est que ce n'est qu'une étape vers le ciel, puisque lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la rédemption, le pardon, etc. Oui. Malheureusement... on est en cours d'assises, client, on n'est pas... Exactement. On est dans un prétoire, on n'est pas là pour prier. Ouais. Au bout du compte, est-ce qu'on peut dire que la justice a dérapé en condamnant cette personne plus sur sa réputation, sur le visage qu'on a bien voulu lui donner, et notamment la presse, et aussi sur son attitude, ce qu'a été sa vie sous l'occupation. Est-ce que la justice dérape quand elle ne statue pas sur les faits mais sur autre chose? Alors oui, c'est pas propre à cette affaire-là, hein, ça doit arriver souvent. Alors la justice a dérapé, c'est sûr, je pense, puisque même de toute manière, quelles que soient les raisons, à cette époque-là, on était très clément avec les crimes passionnels. C'était acquittement ou quelques années de prison, elle a pris perpétuité. Donc la justice a dérapé, mais la justice et l'opinion publique se sont rattrapés en fait très vite. C'est-à-dire que dès que le verdict a été donné, tout le monde a semblé se réveiller. Moi, j'ai senti ça un peu comme après un viol. C'est-à-dire que la France était dans une espèce d'hystérie pour la condamner. Et quand il y a eu l'orgasme, la beauté du châtiment, écrivait Madeleine Jacob, cette condamnation, ouais, mon ami. Fumier Madeleine, de cette condamnation à perpétuité, tout d'un coup tout le monde s'est dit mais c'est trop, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle est allée de remise de peine en remise de peine, elle a été libérée 7 ans après le procès, pour une condamnation à perpétuité. Tout le monde s'est rendu compte que ça avait été beaucoup trop loin. Et malheureusement, une fois que la société et la justice se sont fait plus ou moins pardonner, c'est la malchance et Henri-Georges Clouzot qui lui sont tombés dessus. Clouzot, parlons-en, un homme intelligent. Au-delà de ça même, qu'est-ce qu'il lui prend là? Un homme intelligent. C'est des concessions pour scénaristiques en fait. Ouais, un homme intelligent, un grand metteur en scène, un génie peut-être pour certains, mais je pense qu'humainement, c'était vraiment pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire que il sait qu'elle vient de sortir de prison. La vérité sort 6 mois après la sortie de prison de Pauline Buisson, qui tente de refaire sa vie dans la nuit. Oui, on l'a expliqué, bien sûr. Non seulement il se sert de ça pour son histoire pour faire un film, mais en plus, il se fout de la vérité. C'est-à-dire que lui, il a réussi un film magnifique. La vérité, c'est un très beau film, très fort, mais qui ne correspond pas. Alors on a le droit. Avec une Brigitte Bardot qui a étonné tout le monde. Brigitte Bardot, la profondeur de son jeu. Formidable. On a le droit, évidemment, hein, quand on crée, quand on est artiste, écrivain, cinéaste, on a le droit de se décaler par rapport à la réalité. Là, ça fait des dégâts terribles, puisqu'elle, non seulement elle est vivante, elle est jeune, elle vient de sortir de prison, c'est sa deuxième chance et on n'en aura pas une troisième. Mais je pense que Clouzot, encore une fois, je suis pas dans sa tête, se dit, l'art d'abord, le cinéma d'abord, et tant pis pour les conséquences, les dommages collatéraux. Et elle, ça l'a tué, je pense vraiment. La vérité, pour le coup, ça l'a... Parce qu'après, on va pas tout raconter, évidemment, mais après, de malchance en malchance, elle est poursuivie par ce truc-là, et bon, ça finit par la tuer, hein, par son dernier suicide réussi, car contrairement à ce que disait René Fleuriot, elle pouvait réussir un suicide. Et vous alors? Je veux dire, et vous alors? Il n'y a aucune accusation vous concernant, il n'y a rien qui soit en parallèle de ce qu'a fait Clouzot, au contraire, mais dites-moi, vous êtes un romancier, vous êtes intéressé à cette affaire-là, que vous ne traitez pas en roman, mais c'est quand même estampillé roman. Expliquez-moi un petit peu cette confusion. Alors c'est quand je dis cette confusion, c'est juste un constat, c'est pas un jugement. Emmanuel Carrère avait fait ça notamment avec Jean-Claude Roman, pour l'histoire Jean-Claude Roman, oui, non pas l'enquête mais la personnalité de ce type. Vous, pourquoi ce choix pour un roman d'une réalité? Alors en fait, on peut appeler ça roman ou pas, bon, c'est une affaire de mots. Moi, en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que dans ce livre, La Petite Femelle, où j'interviens, moi, un petit peu de temps en temps, hein, c'est ça peut-être qui fait que c'est un roman, je raconte des petites choses de ma vie qui m'arrivent un peu pathétiques, bon. Mais sur ce qui est de Pauline Dubuisson, moi, j'avais une seule contrainte, c'était de ne pas écrire un mot dont je ne sois pas sûr, qu'il soit fidèle au moins au témoignage de l'époque. C'est-à-dire que donc vraiment, à la vérité, si je puis dire. Voilà, exactement. Et sans parler du cynisme du titre de Clouzot. Bah oui, mais voilà. Bah oui. Moi, vraiment, quand je ne sais pas, je le dis, je n'invente absolument rien. Je voulais, parce que Pauline Dubuisson, ce qu'il a tué, c'est les approximations, les mensonges, etc. Donc, pour lui rendre une sorte d'hommage, peut-être un peu naïf, hein, mais je tenais à ce que chaque mot qui la concerne, chaque mot qui concerne l'enquête, le procès, soit authentique. Donc dans ce sens-là, c'est pas un roman. Après, c'est un roman, évidemment, avec la construction, la narration, mes interventions personnelles, etc. Mais je veux vraiment qu'on sache. J'ai lu, quand le livre est sorti il y a 2 ans, j'ai lu des articles dans les journaux qui disaient c'est un peu romancé, etc. Non, c'est vraiment pas romancé du tout. C'est, je m'inspire très directement des rapports de l'époque. Alors, je tiens dans les mains un livre. Ce livre s'appelle La Serpe. Et bah voilà, il y a encore un... C'est un peu pareil. Ouais. Hein, parallélisme, racontez-nous. Parlez-nous un peu de La Serpe. On a encore 1 minute et demie, donc c'est bien. Alors, voilà, là encore, un crime dans un château au fin fond du Périgord, un château cynique. C'est quoi cette affaire? C'est vraiment un crime à la Agatha Christie. Hein, c'est en 1941, je vais résumer vite fait. Hein, 1941. Non, c'est bon, on a encore 1 minute 30, vous voyez, tranquille. Dans un château lugubre, un grand château cynique du fin fond du Périgord, un soir d'octobre où il pleut en pleine occupation, il y a une famille de châtelains. Enfin, en tout cas, il y a le père, la tante, c'est-à-dire la sœur de ce monsieur, la bonne et le fils de famille, qui est une caricature presque, hein, gosse de riche, capricieux, qui dépense l'argent, etc. Ils dînent, ils ferment toutes les portes du château de l'intérieur, donc ils sont tous les 4 à l'intérieur. Et le lendemain matin, le fils ouvre les volets. Au secours, au secours. Les 3 personnes, son père, sa tante et la bonne, ont été atrocement massacrées. À la serpe. On découvre un coup de serpe qui est le titre gros truc. Livre, voilà, hein. Exactement. Les policiers arrivent sur les lieux. Très vite, on se rend compte que c'est lui qui a emprunté la serpe, le jeune homme, au voisin la veille. Il est le seul héritier. Il devient riche du jour au lendemain. C'est le coupable idéal. On dira toute sa vie. Il deviendra quelques années plus tard l'auteur du Salaire de la peur, qui est un film réalisé par Georges Clouzot. Ensuite, oui. Henri-Georges Clouzot, le revoilà. Bien sûr. Et donc, lui aura plus de chance que Pauline, puisqu'il vivra longtemps. On dira que c'est le coupable, et moi, je ne pense pas. Bien, Philippe Janeda, ça s'appelle La Serpe, et l'autre livre s'appelle La Petite Femelle. Oui. Si l'histoire de Pauline Dubuisson vous a interpellé, ne serait-ce qu'interpellé, vous pouvez vous y plonger dans le détail avec votre livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.